Bonjour à tous, nous sommes sur Radioactive Jeunesse Live. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui s'appelle Cécilia Denis, présidente de l'association de La Petite Brosse. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, présidente de l'association La Petite Brosse, donc qui est basée à Montlouis-sur-Loire, qui existe depuis 2018 et qui au départ était sur la gestion du jardin partagé des Brossereaux, et puis on a étendu nos domaines d'activité, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. D'accord. Bonjour, depuis combien de temps êtes-vous dans cette association ? Alors, je suis depuis le début de l'association, parce que avec quatre autres personnes, on est à l'initiative de l'association, justement, pour gérer le jardin partagé des Brossereaux. Donc, depuis 2018. D'accord, merci. Bonjour, alors on aurait aimé savoir qu'est-ce que vous faites à La Petite Brosse, s'il vous plaît. Alors, en dehors du jardin partagé, de la gestion du jardin partagé, on a 6 pôles d'activité qui sont des ateliers pour enfants, plutôt pour faire des petits ateliers avec de la récupération pour fabriquer des petites choses, une fois par mois. On fait plusieurs animations sur la limitation des déchets. Notamment, on a mis en place des boîtes consignées chez les commerçants de Montlouis pour éviter d'utiliser des boîtes à usage unique, mais d'utiliser des boîtes qu'on peut réutiliser à chaque fois, qui sont disponibles chez certains commerçants à Montlouis-sur-Loire. Donc, moyennant une consigne de 2 euros. On a également, on en reparlera après, de l'association Zéro Déchet Touraine avec eux, fait installer le premier composteur collectif à Montlouis-sur-Loire. On fait aussi des ateliers sur le vélo pour promouvoir l'usage du vélo comme moyen de transport quotidien pour éviter l'utilisation de la voiture. On fait des ateliers couture aussi une fois par mois et voilà d'autres animations ponctuelles. D'accord, merci beaucoup. On aimerait bien savoir aussi quelles sont vos prochaines dates, qu'est-ce que vous envisagez les prochaines semaines ? Alors la toute prochaine date, c'est exactement dans une semaine. On fait avec l'association Zéro Déchet Touraine une conférence sur la limitation des déchets. C'est pour en parler de façon globale, donc déjà comment on peut faire chez soi pour limiter nos déchets, c'est-à-dire acheter en vrac par exemple, ou choisir de consommer avec le moins d'emballage possible, de réutiliser les choses, de réparer les choses, par exemple. Et puis aussi de parler avec eux de comment se gèrent les déchets à l'échelon du département. Et on ouvrira vers la fin de la conférence sur l'enquête publique qui va s'ouvrir au mois de mai, donc 2024, sur un projet d'incinérateur à l'échelon du département. D'accord, merci. Voilà, c'est comment on fait à l'échelon individuel pour limiter ces déchets, comment sont gérés les déchets à l'échelon du département en Indre-et-Loire, et puis les projets à venir. Voilà globalement l'idée de cette conférence, et puis surtout qu'il y ait des échanges, que les gens ils puissent poser des questions pour que l'association Zéro Déchet Touraine, avec Hugo, qui viendra parler, puisse y répondre. D'accord, merci D'accord. beaucoup. Quels sont vos projets actuels et à venir, si vous en avez, s'il vous plaît ? Alors les projets, on continue déjà les animations qu'on fait. On en fait quand même environ 50 par an, donc quasiment toutes basées à Montlouis-sur-Loire, donc celles dont je vous ai parlé. On a le projet de faire une soirée à l'automne 2024 avec les collégiens de Montlouis, justement pour parler avec eux transition écologique, comment ils voient les choses, comment on peut avancer ensemble, adultes et jeunes, avec des petits films aussi en début de soirée qu'ils auront fait pour donner leurs opinions. Et puis, on est aussi présent sur les fêtes municipales de la ville, justement pour montrer que on peut avoir une façon de faire dans notre vie quotidienne pour limiter notre impact sur l'environnement, notamment pour avoir une production de CO2 plus faible, mais sans se contraindre et en le faisant avec plaisir. Et on se rend compte qu'on est hyper fiers quand on arrive à faire avancer les choses à l'échelon individuel. Je vais passer les mains aux autres, s'ils en ont d'autres. Ça revient un peu du coup sur ce que vous venez de dire. Quelles sont vos valeurs ? Eh bien voilà, les valeurs c'est ça, c'est de faire en sorte, sans dépenser beaucoup d'argent, mais de réfléchir à nos actions, qu'elles soient dans la mobilité, qu'elles soient dans les achats, d'acheter par exemple plutôt d'occasion plutôt que d'acheter du neuf qui vient de l'autre bout du monde. À la fois dans l'alimentation, d'acheter le plus local possible, si possible bio si on a les moyens, de limiter si possible aussi l'achat de produits, enfin de viande, qui sont plus impactants sur l'environnement. Tout ça, c'est des réflexions qu'on a en groupe, et on s'entretient, on se donne des idées de façon informelle, et c'est très sympa. Et c'est surtout le montrer qu'on peut le faire sans contrainte, le faire avec plaisir. Et encore une fois, je redis, c'est dans la convivialité et aussi avec le sourire et le fait d'être très fier. Quand on fait son jardin à la maison pour faire des légumes, et ben, on est fier de se partager nos réussites, fier de s'échanger des légumes qu'on a en trop, par exemple, voilà. Nos valeurs, c'est ça, c'est la convivialité et c'est diminuer notre impact sur l'environnement au plus possible à l'échelon individuel, sans pour autant faire des investissements qui sont très lourds. Ok. Alors, avez-vous des conseils pour que nous, citoyens, soyons plus responsables pour l'environnement, s'il vous plaît ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà ? Eh bien, c'est déjà se renseigner, faire bien attention à ce qu'on achète. On a des habitudes d'achat et l'idée, c'est de vraiment les remettre en question. Alors, ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que c'est surtout ça, c'est prendre conscience de nos habitudes et de se dire, ah ben celle-là, elle est pas bonne, il faudrait probablement que j'en change. Alors on peut pas tout changer d'un coup parce que c'est trop. Il faut avoir un plan, enfin à mon avis, c'est qu'il faut le faire par étapes, on peut pas tout faire d'un coup, mais c'est peut-être commencer à se dire, si on parle de la mobilité, se dire, bah une fois par semaine, je vais éviter de prendre ma voiture, je vais plutôt essayer de prendre le train, le bus ou le vélo. Et puis dans les achats, c'est pareil, peut-être se dire qu'il y a des choses qui sont moins bonnes à la fois pour la santé et pour l'environnement, donc se dire bah je vais essayer de diminuer, et au fur et à mesure on voit si on peut réussir à arrêter complètement cette consommation là. Merci beaucoup. On a une dernière question, après peut-être que vous aurez aussi des questions ou d'autres échanges évolueront. On aimerait bien savoir aussi quels sont vos partenaires au sein de votre association. Alors, les partenaires, c'est une très bonne question et c'est très important parce qu'on peut pas faire les choses tout seul. On est une petite association uniquement de bénévoles. On est une dizaine de bénévoles et on peut pas tout faire parce que 50 animations, si on les faisait tout seul, on serait épuisé. Donc, c'est une très bonne question. Nos partenaires, eh ben, c'est la ville de Montlouis qui nous prête des salles quand on en a besoin, notamment pour la conférence de mercredi prochain à 20h, salle Rabelais, qui nous donne un petit peu de subventions également. On a des partenariats avec la communauté de communes Touraine-Est-Vallée. Et puis, on a des partenariats avec des associations, qu'elles soient montlouisiennes, comme le Conciliabule, l'association Dans le Blanc des Jeux, avec qui on fait des animations communes parfois, l'association des commerçants de Montlouis, justement, on a travaillé avec eux pour les boîtes consignées. Et puis, d'autres associations qui sont un peu plus loin, qui sont plutôt à Tours. Je pense à l'association Zéro Déchet Touraine, évidemment, avec qui on a, par exemple, le composteur collectif. Et puis, il y a l'association Low-Tech Touraine, également, l'association La Sépante, qui nous apprend plein de choses aussi sur tout ce qui est biodiversité, et qui est une association plus ancienne et plus grande. Et puis, on est antenne du CC37, c'est le collectif cycliste 37, donc qui nous aide aussi sur tout ce qui est nos animations vélo. Notamment, on fait une fois par mois au marché de Montlouis, le vendredi soir, des ateliers d'auto-réparation vélo. Donc l'idée, c'est d'aider les gens à réparer leur vélo pour que ce soit plus facile pour eux, parce que c'est pas forcément évident du premier coup. Donc ça, on les fait, ces ateliers, on les fait au mois de mars, avril, mai, juin, à la fin du mois. On peut voir ça sur le site de La Petite Brosse. Et puis ensuite, on refera en septembre, octobre, on n'a pas d'atelier pendant l'été, on laisse les bénévoles tranquilles en vacances. D'accord, merci beaucoup. Donc tout un tas, vraiment beaucoup, beaucoup de partenariats, et malheureusement, je crois que je dois en oublier, qu'ils m'excusent pour cela. Très bien, ben, merci pour vos réponses. On aura peut-être encore deux, trois questions, il y en a une qui nous vient à l'esprit, donc je laisse le micro à Corentin. Est-ce que la conférence est gratuite pour l'entrée ? La conférence est gratuite, mais il faut avouer qu'elle a un certain coût malgré tout, puisque l'association Zéro Déchet Touraine a des salariés. Donc il y aura un prix libre, donc elle peut être gratuite, et puis il y aura une participation ouverte si les gens veulent bien donner un peu. Voilà, mais elle est gratuite dans le sens où il n'y a pas d'obligation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous-même, Cécilia, vous avez des questions ou à nous poser en retour ou pas ? ou des informations? Non, malheureusement, je n'en ai pas parce que j'ai pas eu le temps de travailler sur votre émission. J'aurais bien aimé. Je le ferai juste après parce qu'effectivement, j'écouterai les émissions que vous avez fait auparavant. Là, je suis prise un peu au dépourvu. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème en tout cas. Merci en tout cas de nous écouter. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Eh ben, merci à vous. Un grand merci à vous de m'avoir invité à votre émission. Est-ce que vous pouvez nous donner les coordonnées de votre association, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, les coordonnées, c'est lapetitebrosse.org. Donc, c'est PTITEBROSSE.org. Donc, c'est pas petite brosse, c'est bien petite brosse sans le E du milieu. D'accord, merci. Et sinon, donc, on a une adresse mail qu'on regarde régulièrement. On est trois à la regarder, donc on répond rapidement. C'est lapetitebrosse@gmail.com. Tout pareil, pas de E à petite. D'accord. Pour retrouver. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. Je laisse Corentin conclure. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. C'était Eva, Tisha, Jordan. Et Corentin. Et Cécilia Denis, présidente de l'association La Petite Brosse. Merci. Au revoir. Au revoir, Cécilia. Au revoir et merci. C'était un plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Protection. Amen.